Chapitre 15 Dans la vallée de la Mimente. Notre voyageur coucha à Florac et se remit en route le lendemain, mardi 1er octobre, assez tard dans l'après-midi. Remontant un peu le Tarnon, il le franchit sur un pont couvert et entra dans la vallée de la Mimente, affluent de cette rivière. Des hauteurs escarpées et hérissées de rochers dominent le cours de la Mimente. De grands chênes et des châtaigniers croissent sur les pentes et les terrasses, soutenus par des murs en pierre sèche. D'espace en espace, des champs de sarrasins et des pommiers couverts de fruits apparaissaient autour des hameaux aux toits d'ardoises, et le vieux château de Montvaillant dressait ses murs à mâchicoulis sur la croupe d'un promontoire. Bientôt le soleil disparut sur la crête des montagnes et les sons des cors des bergers ramenant leurs troupeaux à l'étable retentirent dans la vallée. Le voyageur dut se préoccuper de trouver une place pour camper la nuit. Sous les arbres, le sol était très en pente et couvert de pierres roulantes, et dans les endroits découverts, des précipices hérissés de broussailles s'étendaient jusqu'au bord de l'eau. Il aperçut enfin un coin de pré au-dessous de la route, un coude de la rivière. Il y descendit, attacha Modestine à un arbre et explora les environs. L'ombre avait envahi le vallon et l'on ne distinguait que vaguement les objets les plus rapprochés. Stevenson alla vers un grand chêne qui se trouvait presque au bord de la rivière, et bien qu'il aperçût une maison en face de l'autre côté de l'eau, il s'installa dans un enfoncement au pied du chêne pour y passer la nuit. Quand il eut préparé son sac, donné à manger à Modestine et pris lui-même son repas, la nuit était complète et le ciel tout illuminé d'étoiles. « Celui-là, dit notre héros, ne se doute pas de la beauté d'un pareil spectacle qui n'a pas passé une nuit à la belle étoile. » Les plus grands poètes y ont puisé de sublimes inspirations. Un vent assez fort soufflait sur les hauteurs, et cependant cette première nuit d'octobre n'était pas plus fraîche qu'une nuit de mai. Le sommeil de Stevenson fut plusieurs fois troublé par les aboiements d'un chien, ce qui l'amène à déclarer que, pour un vagabond comme lui, cet animal représente le monde bourgeois par son côté le plus détestable et qu'il redoute moins un loup qu'un chien de garde. Le lendemain matin, mercredi 2 octobre, il fut réveillé par le même chien qui était accouru en jappant jusque sur l'autre bord de l'eau et qui, en le voyant se mettre sur son séant, s'éloigna en grondant. Le ciel était déjà teinté de cette belle couleur gris-bleu qui précède l'aurore. La silhouette des arbres de la montagne se détachait très nettement sur le fond azuré du firmament. Stevenson se leva, rechargea ses hardes sur le bas de Modestine et reprit le chemin qui remonte la Mimente. Tout le flanc de la montagne était déjà doré par le soleil, dont le disque apparut enfin, flottant dans l'azur, dans une échancrure de la crête qui domine à l'est. Ce fut la quatrième et dernière nuit que notre héros passa en plein air pendant ce voyage.